بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite dans le but de plaire à tes épouses? Dieu est pardonneur et miséricordieux. Dieu a institué pour vous un moyen licite de vous libérer de certains de vos serments. Dieu est votre protecteur, et c'est lui l'omniscient, le sage. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Lorsque le prophète confia à l'une de ses épouses un secret, que par la suite elle divulgua, Dieu en informa le prophète. Alors celui-ci en divulgua une partie et passa sur une autre partie. Et lorsqu'il le lui dit, elle demanda, « Qui te l'a appris ?» Il dit, « C'est l'omniscient, celui qui est instruit de toutes choses qui me l'a dit. Si toutes deux vous vous repentez en Dieu, c'est que votre cœur incline au bien. Si vous faites front contre lui, le prophète, Dieu est son protecteur et Gabriel, et ce qu'il y a de juste parmi les croyants. » Et de plus, les anges prennent son parti. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. S'il divorce d'avec vous, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, soumises à Dieu, croyantes, pieuses, repentantes, dévouées dans leurs prières, aimant pratiquer le jeûne, veuves ou vierges. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres, gardés par des anges durs et sévères, qui ne désobéissent jamais à Dieu en ce qu'il leur commande et qui font strictement tout ce qui leur est ordonné. Vous qui niez, n'invoquez plus aucune excuse aujourd'hui. Vous n'êtes rétribués que selon vos œuvres. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô vous qui croyez, revenez à Dieu, sincèrement repentant. Peut-être votre Seigneur effacera-t-il vos fautes et vous fera-t-il entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Le jour où il épargnera l'humiliation aux prophètes et à ceux qui auront cru avec lui, une lumière émanant d'eux éclairera devant eux et à leur droite. Ils diront « Seigneur, parachève cette lumière pour nous et pardonne-nous, car tu détiens certes le pouvoir sur toute chose. » يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ô prophète, lutte contre les négateurs et les hypocrites et sois dur envers eux. L'enfer sera leur demeure et quelle mauvaise destination. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Pour ceux qui ne croient pas, Dieu cite en exemple la femme de Noé et celle de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux hommes vertueux d'entre nos serviteurs. Elles les trahirent. Et leurs maris ne purent en rien les aider contre les rigueurs de Dieu. Il leur fut dit « Entrez dans le feu avec les autres damnés ». وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Pour ceux qui croient, Dieu cite en exemple la femme de Pharaon quand elle dit « Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi dans le jardin au paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, sauve-moi de ce peuple injuste. » De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle de notre esprit. Elle accepta comme véridique les paroles de son Seigneur, de même que ses écritures, et fut du nombre des serviteurs obéissants.